Ó, filha! Sim! Sabes o que é que diz a centopeia macho para a centopeia fêmea? Não! Que belo par de pernas, par de pernas, par de pernas, par de pernas, par de pernas, par de pernas, par de pernas, par de pernas! Chega.